L'Istituto Geografico De Agostini presenta Il francese per te. Deuxième niveau. Unité 55. Prise de parole. Zola ou Apollinaire? Vous allez écouter et répéter maintenant les phrases suivantes concernant certains écrivains. Tu pars en vacances avec le discours de la méthode de Descartes? Mais tu es folle! Folle? Pourquoi folle? Les vacances, c'est le seul moment de tranquillité que j'ai. Et j'en profite pour relire Descartes, c'est tout. Tu es en train de lire les essais de Montaigne, à ce que je vois? Ce n'est pas trop difficile? Pas du tout. C'est même très intéressant. Vraiment. Blaise Pascal, c'est l'auteur des Pensées, je crois. Tu connais? Bien sûr, mais je préfère le théâtre. Molière, par exemple. Ah, le malade imaginaire, Tartuffe, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Combien de fois t'ai-je dit que c'est Pierre Corneille qui a écrit le Cid? Et c'est Jean Racine qui est l'auteur de Phèdre. Si je me souviens bien, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau n'étaient pas de bons amis. Les écrivains que j'aime relire? Voyons, André Gide, André Malraux, Albert Camus et Jean-Paul Sartre, évidemment. Je dois lire Candide pour demain. Comment pour demain? On vous laisse si peu de temps dans votre lycée pour lire les livres qui sont au programme? C'est de ma faute. C'est moi qui suis toujours en retard. Le discours sur l'origine de l'inégalité est de Rousseau? Oui, bien sûr. Ah, moi, j'adore Victor Hugo. Les Misérables de Victor Hugo, c'est magnifique, tu ne trouves pas? Combien de fois t'ai-je répété que je n'aime pas lire? Honoré de Balzac et Stendhal. Ce sont mes écrivains préférés. Moi, ce serait plutôt Gustave Flaubert et Charles Baudelaire. Ah oui, Baudelaire, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Qui est-ce que tu préfères, toi, Émile Zola ou Guillaume Apollinaire? Mais ils sont trop différents pour qu'on puisse les comparer, voyons. Et puis, je préfère les écrivains plus récents, comme Barrès, Vallès et aussi la grande Marguerite Duras. Si tu savais combien j'aime les écrivains et les poètes italiens, Dante, Pétrarque, Boccace, Goldoni, Manzoni, Leopardi et D'Annunzio, Moravia, Sciascia, Calvino. Prise de parole. L'âge de la préciosité. Voici quelques phrases sur les mouvements littéraires français les plus importants. Vous allez les écouter et les répéter. Sur quoi porte ton programme de littérature cette année? L'humanisme, sur les doctrines humanistes. Le XVIIe siècle, c'est bien l'âge de la préciosité. Oui, c'est le siècle de la génération classique, du classicisme. Le mouvement philosophique des Lumières, ça m'a toujours ennuyé. Je suis beaucoup plus sensible au romantisme, le pré-romantisme et le romantisme, oui. Je ne m'y retrouve plus, moi, dans tous ces mouvements littéraires. Le positivisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, je n'y arriverai jamais. Sois réaliste, voyons. Comment peux-tu lire tous ces livres en même temps? Je préfère les écrivains réalistes. Les écrivains romantiques m'ennuient. Voici maintenant un petit dialogue. Écoutez-le et répétez-le lentement. Les dadaïstes et les surréalistes, ce sont mes poètes préférés. Il y en a beaucoup de poètes dans ces deux mouvements. Et tu les aimes tous? Tous. Moi, je préfère l'existentialisme et le nouveau roman. Je trouve ça plus sérieux. Alors, tu devrais aller à Paris le mois prochain. Il y aura de nombreuses conférences sur ce sujet. J'aimerais bien, mais je n'ai pas assez d'argent. Et puis à Paris, mon père ne m'y enverra jamais toute seule. Tant pis. Prise de parole. Trop mauvais genre. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases sur les genres littéraires. J'ai horreur des textes en vers, moi. C'est vrai, je n'arrive à lire que la prose. Pourtant, la poésie lyrique, épique, didactique, c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'on appelle le genre narratif en littérature? Les romans, les nouvelles. Et le genre didactique? Eh bien, c'est par exemple la critique littéraire ou bien encore les essais. J'aime bien lire les recueils de littérature épistolaire. Il y a souvent une intimité et une vérité qu'on ne retrouve nulle part. Toi qui adores le théâtre, le genre dramatique comme on dit, tu préfères la tragédie ou le vaudeville? J'adore le théâtre, tu viens de le dire. Et cela signifie que j'aime toutes les formes que propose le théâtre, de la tragédie au vaudeville. Tu n'as pas un genre de vie qui te permet d'acheter autant de livres. Fais attention. J'espère que Pierre ne viendra pas à la fête ce soir. Il a trop mauvais genre, celui-là. Avoir mauvais genre, avoir bon genre, ce n'est qu'une question de point de vue, et tu le sais très bien. C'est toi qui dois arrêter maintenant de faire du genre. Comment? Tu as proposé à Marie, qui est toujours malade, d'aller voir le malade imaginaire? Je trouve ça de très mauvais genre. Mais non, elle a le sens de l'humour. Il faut que tu acquières un peu plus d'assurance avant de faire du théâtre, sinon... Prise de parole. Opilant. Vous allez écouter et répéter avec attention les phrases suivantes. Il dit à tout le monde qu'il est poète, mais il n'y a aucun souffle poétique dans ses textes, et il n'a aucune inspiration en plus. Je suis à bout de souffle. Ça fait plus de 3 heures que j'essaie de convaincre Jacques de ne plus écrire. Il n'y a rien à faire. Il se prend pour un génie. Un poète, lui? Il écrit des poésies, je crois. Écrire des vers, faire des rimes, ça ne suffit pas pour être poète. Si tu publiais un livre, à qui le dédicacerais-tu? Je n'écrirai aucune dédicace. Je trouve que c'est stupide. Et tu choisirais un pseudonyme? Ah ça oui. Paul Durand, c'est un nom beaucoup trop commun. Tu viens de publier ton premier roman? Tu vas devenir riche alors. Ce n'est pas avec mes droits d'auteur, crois-moi, que je vais m'enrichir. Comment? Tu as acheté ce livre-là? Mais ce n'est qu'un plagiat. Cet auteur a d'ailleurs la réputation de plagier tout le monde. Et je suis sûre que tous ses livres seront mis au pilon un jour ou l'autre. Ton cousin, un nègre? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il a écrit un roman et que quelqu'un d'autre l'a signé. Je viens de lire le dernier roman de Moravia. J'en ai le souffle coupé. Tu as composé un sonnet pour moi? Je peux le lire? Plus d'un des écrivains dont on parle dans cet article me sont inconnus. Quelle ignorance! Je trouve que trop de gens publient des livres aujourd'hui. La plupart ne savent même pas écrire. Un peu de connaissances sur la période romantique ne suffisent pas pour comprendre tous les mouvements littéraires de cette époque. Tu dois lire, lire et lire encore. La foule commence à s'impatienter. Tu dois lire ton discours tout de suite. Tu te rends compte? La plupart d'entre eux n'ont jamais vu la mer. Tu as mis combien de temps pour lire ce roman? Moins de 2 heures m'ont suffi. C'est une histoire passionnante. Tu verras. Écoute. les moutons et la mule. Voici maintenant quelques phrases proposant quelques expressions imagées. Vous allez les écouter avec attention. Tu as vu comment s'habillent les gens de cette tribu avec des feuilles, des branches, des peaux de bêtes? Ah mon Dieu, comment peut-on être persan? Je vais te donner un conseil. Si tu veux réussir dans la vie, dans ta vie privée comme dans ton travail, tu dois avoir les pieds sur terre. Voltaire avait raison, tu sais. Il faut toujours cultiver son jardin. Moi, je suivrai l'exemple de la mule du pape. La mule du pape? Oui, tu sais bien, cette mule a attendu plus de 7 ans avant de pouvoir se venger d'un homme qui l'avait maltraité. Un jour ou l'autre, Jean paiera pour ce qu'il m'a fait. Je saurai être patiente, comme la mule du pape. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu dois toujours faire tout ce que font tes copains? Tu connais l'histoire des moutons de Panurge? Eh bien, je crois que tu n'es pas tellement différent. Bon, oui alors, revenons à nos moutons. Nous étions en train de parler de... Des essais de Montaigne. Mais qu'est-ce que c'est cette réponse? Une tarte à la crème, comme d'habitude. Et moi qui te croyais intelligent? Conversation. Les fleurs du mal. Mon Dieu, c'est impressionnant tous ces livres. Une vie ne suffit pas pour les lire tous. Et quand on pense à tout ce qu'on publie chaque année dans le monde, ça donne le vertige. Il faut quand même dire que tous ces livres qui sortent chaque jour ne finiront pas tous dans les bibliothèques. Au contraire, je suis persuadée que la plupart finiront pilon. Heureusement, parce qu'on édite tellement de bêtises. C'est vrai. Tout le monde veut écrire maintenant. Les acteurs, les vedettes de la télé, les sportifs, c'est de la folie. Et bien souvent, ce ne sont même pas eux qui écrivent. Ils ont des nègres pour ça. Moi, je trouve ça scandaleux. Une personne puisse profiter du talent d'une autre personne. Oui, mais je crois que c'est plus complexe que ça. L'acteur ou le footballeur profite du talent d'un nègre. Mais le nègre profite aussi du nom et de la célébrité de l'acteur ou du footballeur. Peut-être que, sans cela, il ne réussirait pas à publier. Effectivement. Mais on devrait au moins imprimer son nom sur la couverture, vous ne pensez pas? Oui, ce serait la moindre des choses. De toute façon, ça n'a rien à voir avec la littérature, la vraie littérature. Bien sûr. À propos, vous avez choisi quoi, vous? Baudelaire, Les fleurs du mal. Et vous? Moi, une biographie de Baudelaire, justement. Je crois que nous avons les mêmes goûts. Vous vous appelez comment? Mon Dieu, c'est impressionnant tous ces livres. Une vie ne suffit pas pour les lire tous. Et quand on pense à tout ce qu'on publie chaque année dans le monde, ça donne le vertige. Il faut quand même dire que tous ces livres qui sortent chaque jour ne finiront pas tous dans les bibliothèques. Au contraire, je suis persuadée que la plupart finiront au pilon. Heureusement. Parce qu'on édite tellement de bêtises. C'est vrai. Tout le monde veut écrire maintenant. Les acteurs, les vedettes de la télé, les sportifs. C'est de la folie. Et bien souvent, ce ne sont même pas eux qui écrivent. Ils ont des nègres pour ça. Moi, je trouve ça scandaleux qu'une personne puisse profiter du talent d'une autre personne. Oui, mais je crois que c'est plus complexe que ça. L'acteur ou le footballeur profite du talent d'un nègre. Mais le nègre profite aussi du nom et de la célébrité de l'acteur ou du footballeur. Peut-être que sans cela, il ne réussirait pas à publier. Effectivement. Mais on devrait au moins imprimer son nom sur la couverture. Vous ne pensez pas? Oui, ce serait la moindre des choses. De toute façon, ça n'a rien à voir avec la littérature, la vraie littérature. Bien sûr. À propos, vous avez choisi quoi, vous? Baudelaire, Les fleurs du mal. Et vous? Moi, une biographie de Baudelaire, justement. Je crois que nous avons les mêmes goûts. Vous vous appelez comment? Un grand écrivain. Tu te rends compte? C'est ici, entre ces murs que mon écrivain préféré a écrit tous ses livres, romans, nouvelles, poésies, dans cette maison, dans cette pièce, sur ce bureau, sous cette lampe. Tu ne vas pas t'évanouir quand même? Presque. C'était un homme très intelligent. Je crois qu'il aurait pu écrire ses livres n'importe où. Ici, ailleurs, ça n'avait sûrement aucune importance. Pour moi, c'en a une. C'est ici qu'il travaillait, un point, c'est tout. Oui, c'est ici qu'il a imaginé toutes ses plus belles histoires. Il prenait une feuille, il écrivait quelques lignes, et puis il s'arrêtait et il regardait par la fenêtre. Par cette fenêtre! Tu en parles comme si c'était un dieu. Mais tu n'as aucune sensibilité, toi. Moi, je sens sa présence. Je la sens partout. Ridicule. Je la sens. Je la sens. Tu en parles comme si c'était un fantôme, maintenant. Tous ces personnages sont nés et morts sur cette table. Que de sang! Écoute, tu n'étais pas obligé de m'accompagner. Je ne me doutais pas que tu allais te pâmer pour quelqu'un qui est mort il y a plus de 100 ans. Ah, je vois! Tu es jaloux. Jaloux, moi? Et d'un mort, en plus? Tu plaisantes. Pas d'un mort, non. Mais d'un des plus grands écrivains de notre littérature. Et tu le sais parfaitement. Comme tu sais parfaitement que tu es deux fois plus ridicule que moi. Regarde, son encre! Ça recommence. Tu te rends compte? C'est ici, entre ces murs, que mon écrivain préféré a écrit tous ses livres, romans, nouvelles, poésies. Dans cette maison, dans cette pièce, sur ce bureau, sous cette lampe. Tu ne vas pas t'évanouir quand même? Presque. C'était un homme très intelligent. Je crois qu'il aurait pu écrire ses livres n'importe où, ici, ailleurs, ça n'avait sûrement aucune importance. Pour moi, ça en a une. C'est ici qu'il travaillait. Un point, c'est tout. Oui, c'est ici qu'il a imaginé toutes ses plus belles histoires. Il prenait une feuille, il écrivait quelques lignes, et puis il s'arrêtait, il regardait par la fenêtre. Par cette fenêtre! Tu en parles comme si c'était un dieu. Mais tu n'as aucune sensibilité, toi. Moi, je sens sa présence. Je la sens partout. Ridicule. Je la sens. Je la sens. Tu en parles comme si c'était un fantôme, maintenant. Tous ces personnages sont nés et morts sur cette table. Que de sang! Écoute, tu n'étais pas obligé de m'accompagner. Je ne me doutais pas que tu allais te pâmer pour quelqu'un qui est mort il y a plus de 100 ans. Ah, je vois, tu es jaloux. Jaloux, moi? Et d'un mort, en plus? Tu plaisantes. Pas d'un mort, non, mais d'un des plus grands écrivains de notre littérature. Et tu le sais parfaitement. Comme tu sais parfaitement que tu es deux fois plus ridicule que moi. Regarde, son encre. Ça recommence. Unité 56. Prise de parole. Quatre pattes. Voici maintenant quelques phrases sur les espèces animales. Vous allez les écouter et vous les répéterez lentement. Qu'est-ce que tu préférerais être, toi? Un poisson? Un oiseau? Un insecte? Un mammifère? Un reptile? Un mollusque ou un crustacé? Rien de tout ça. Je suis et je veux rester un être humain. Les lions sont carnivores? Bien sûr, puisqu'ils mangent de la viande. Ils sont carnivores et ce sont aussi des quadrupèdes. Des quoi? Des animaux qui ont quatre pattes. Le mouton est un herbivore? Et aussi un quadrupède alors? C'est ça. J'ai toujours eu peur des hérissons, moi. Pourtant, ils ne sont pas du tout agressifs. Ce sont des insectivores. Le porc est un omnivore, comme l'homme. Je trouve que depuis quelque temps, ton fils mange comme un cochon. Et toi, tu ne dis rien. Ça lui passera. On dit que les oiseaux sont des bipèdes, c'est ça? Oui, comme l'homme d'ailleurs. Ah non, moi ce soir je ne sors pas. Il fait un temps de cochon. Paul prend trop de liberté avec moi. Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble quand même. Animaux utiles, animaux nuisibles, c'est une distinction qui n'a pas de sens. Nous avons tous un rôle à jouer sur Terre. Et nous avons de toute façon tous besoin les uns des autres. Il faut toujours faire très attention avec les poissons. Il y en a qui sont inoffensifs, il y en a qui sont venimeux. Et si on ne les connaît pas, il faut être extrêmement prudent. Prise de parole. Dans la basse-cour. Vous allez écouter maintenant quelques phrases sur les animaux sauvages et domestiques, et vous les répéterez lentement. On dit que certaines tribus sauvages considèrent les animaux domestiques comme des dieux. Tu crois que c'est vrai? Pourquoi pas? Comment? Tu veux adopter un animal exotique? Mais tu vas le rendre malheureux. Il faut laisser les animaux sauvages dans leur milieu. Il faut les laisser tranquilles. Non, je refuse de traverser cette basse-cour. Et pourquoi? J'ai peur des oies. Pour quelle raison as-tu acheté un couple de lapins? J'aimerais bien faire un élevage. Il y a des animaux dans ce bois? Il doit y avoir des sangliers, des renards aussi. Et des ours? Non, les ours vivent dans les montagnes. Et puis en ce moment, ils doivent hiberner dans leurs cavernes. J'adore passer mes après-midi au zoo. Ma passion, c'est la photo. Et je photographie les éléphants, les girafes, les crocodiles et les rhinocéros. Mais c'est bien triste. Ils sont tous en captivité dans des cages. Oui, mais au moins là, personne ne viendra les tuer. Mes enfants adorent le cirque. Et ce qu'ils préfèrent, ce sont les spectacles que proposent les dompteurs. Et leurs animaux dressés ou apprivoisés. Construire une autoroute dans la forêt? C'est une honte. Vous ne pensez donc pas aux animaux sauvages, aux oiseaux? Les oiseaux. Mais ils pourront traverser l'autoroute en volant. Ils ne risqueront absolument rien. Il faut beaucoup de calme pour que les oiseaux pondent leurs œufs. Vous verrez, ils s'en iront tous, ou bien ils mourront. Il n'y a plus une seule poule dans la basse-cour. Où sont-elles? Elles ont eu peur de mon chien. Elles ont dû se cacher quelque part. Ah, c'est beau la campagne. D'un côté des troupeaux, de l'autre des ruches et des essaims d'abeilles. Tu parles d'une tranquillité. Ah, ce qu'il faut que je fasse pour te plaire. Prise de parole. Les chèvres intelligentes. Voici maintenant quelques phrases sur certains animaux. Écoutez-les avec attention et répétez-les lentement. On dit que le chien, c'est le plus fidèle ami de l'homme. Il se passe quelque chose dehors. Tu n'entends pas? Ça fait 20 minutes que le chien aboie. Il doit y avoir quelques hérissons près de sa niche, comme la nuit dernière. Votre chien aboie toujours de cette manière contre les facteurs, madame? Malheureusement, oui. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas méchant. Non, il n'a jamais mordu personne. Ton chat est vraiment très affectueux. Il ne miaule jamais. Il passe ses journées à ronronner. Il va certainement faire un orage. Tu entends les chevaux et les poulains qui hennissent dans l'écurie de la ferme? C'est impossible. Je ne peux pas entrer dans cette étable. Et pourquoi? Ne le dis à personne. J'ai peur des vaches et des bœufs, surtout quand ils mugissent comme ça. Les chèvres sont des animaux très sympathiques. Les moutons aussi. Et très intelligents. Tu les entends bêler? Ils ont compris que quelqu'un s'approchait de la bergerie. Tu as combien de porcs dans ta porcherie? Une dizaine. À moins que l'une de mes bêtes ait déjà fait ses petits, ça doit arriver ces jours-ci. Je ne pourrais plus vivre en ville, moi. J'ai besoin d'entendre les oiseaux gazouiller, de les voir voler autour de leur nid, autour de leurs oisillons. J'ai un petit chiot à vendre. Ça t'intéresse? J'ai déjà deux chatons à la maison, mais je le prends quand même. J'adore les animaux. Non, je t'ai dit que j'ai peur des bœufs, des vaches et aussi des veaux. C'est la même chose, en plus petit, même s'ils n'ont pas encore de cornes. Je ne mange jamais d'agneau, ni de chevreau. Sauf, bien sûr, si on m'y oblige. Mais par principe, je n'en achète jamais. Pauvre bête. Prise de parole. Mi-homme, mi-bête. Voici maintenant quelques phrases sur les animaux fabuleux. Vous allez donc les écouter et les répéter lentement. C'est quoi exactement un centaure? C'est une créature mi-homme, mi-bête. C'est-à-dire? Mi-homme et mi-cheval. Il a vraiment existé, le minotaure? Dans la mythologie grecque, oui. Qu'est-ce qu'il faisait exactement, le phénix? Exactement, je ne sais pas. Mais on dit qu'il renaissait de ses cendres. Les sirènes, la chimère, les anciens avaient de l'imagination. Et si c'était vrai? Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Il y a des dragons et des vampires et des loups-garous dans le film que tu as vu hier soir? Bien sûr, puisque c'est un film d'horreur. Voici maintenant quelques phrases avec « mi ». Des êtres mi-homme, mi-bête, tu crois que ça existe? Dans l'imagination, oui. Mais rassure-toi, pas dans la réalité. Tu ne pars pas en vacances cet été? Si, mais pas avant la mi-août. La personne qui doit garder mon chien n'est disponible qu'à partir du 15. J'habite à mi-chemin entre le zoo et le musée d'histoire naturelle. Ce n'est pas difficile à trouver. Je suis obligé de travailler à mi-temps. Je ne peux pas laisser mes chiens toute la journée tout seul. Ce chat ne dort jamais. Il a toujours les yeux mi-clos. Je suis rentré dans l'eau jusqu'à mi-corps pour sauver mon chien. Les chiens savent nager, voyons. Oui, mais le mien a une patte cassée. Comment voulais-tu qu'il fasse ?